cours numéro 22. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Fanabda al-muraja'a. On commence la révision de cette risala, la poésie de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fi al-aqidah al-lamiyyah. Et on l'a étudié ensemble, walillahi alhamd, et elle est résumée, cette poésie, elle est courte. Il a cité des fondements de manhaj ahl sunnah wal jama'ah dans l'aqidah. On révise comme d'habitude en, sous forme de questions-réponses. Et cette tariqa, elle est muhim. Cette méthode, elle est très profitable pour at-tilmid, pour l'élève. Et celui qui peut répondre bil arabiya fa tayyib, kadhalik, on en profite même au niveau de la langue arabe. Celui qui peut pas fa kama yastati'. Awalan, on révise la mémorisation al-hifz. Celui qui a appris et qui veut réciter, yatafaddal. Tafaddal. رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع الصفات وجميع آيات صفة أمرها حقا كما نقل الطراز الأول ورد عدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه لي أنهل وكذا السرة مد فوق جهنم فمسلم النجي وآخر مهمل والنار يصلاها شقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم أحمد قل فإن اتبعت سبيلهم فموفقون وإن ابتدعت فما عليك معول أحسنتم قوله رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل هذا تقدم معنا أن ce vers de poésie il montre أن شيخ الإسلام رحمه الله il a répondu à une question qu'on lui a posée sur sa aqida avec cette poésie يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي donc il a répondu avec cette poésie. فقال en citant sa aqida rahmatullah alayh حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل. Dans ce vers rahmatullah alayh il nous cite un point important dans la aqida du muslim, c'est as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فما هي عقيدة المؤمن فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est quoi la croyance des salaf concernant les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. نعم. نحبهم جميعا. Chaque compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم فنحبه. On l'aime في الله عز وجل. ونبغض et on déteste ceux qui détestent les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. ou il les critique, ou il se moque, ou il les insulte. On les déteste, fillahi azza wa jal. Et as-sahabi, c'est qui? On avait donné une définition, avant. مات على ذلك لا بس قال الأخ من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك وبعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله عليه يقول من لقي celui qui a rencontré الرسول صلى الله عليه وسلم c'est adaq لأن بعض الصحابة ils étaient aveugles ils n'ont pas vu le prophète صلى الله عليه وسلم et c'est des compagnons mais l'ittifaq. Parce celui qui rencontre ou qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant mu'min, ça fait sortir ceux qui l'ont rencontré en étant kuffar, ka kuffar Quraysh ou al-munafiqoun. Et il est mort ala dhalik en étant mu'min, fahada c'est un compagnon. On l'aime fillah azza wa jal. Et as-sahaba, kulluhum udul. C'est tous, radiyallahu ta'ala anhum, des personnes de confiance. Et là, chacun des sahaba, ils ne sont pas au même niveau fil fadl. فبعض الصحابة يسون أفضل فسكوا عقيدة السني في الصحابة أي في التفضيل بينهم سكي أفضل الصحابة تفضل أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين فالسني لا ست عقيدة أن أفضل الصحابة الخلفاء الخلفاء الراشدون النبي صلى الله عليه وسلم il les a cités في حديث العرباء كذلك il les a cités في حديث المبشرون في حديث نعم المبشرين بالجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم il a cité les six autres compagnons رضي الله عنهم من يذكر دليلا في فضل الصحابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي فوالذي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نسيفا. أحسنت. لا تسب أصحابي. L'interdiction d'insulter les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Dianahum, c'est les premiers de cette umma. Ils ont fait des sacrifices, ils ont patienté, ils ont propagé hadad-din après la mort du prophète alayhi salatu salam. Fala yajuz sabbuhum. La yasubbuhum illa maftoun, marid. Quelqu'un de khabith. Falihada qala nabi salatu salam, ayatul munafiq, bourdul ansar. Parmi les caractéristiques du munafiq, il déteste l'ansar, il déteste les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, fa walladhi nafsi biyadihi, il jure, alayhi salatu wasalam, law anna ahadakum anfaqa mitla uhudin dhahaba. Et si quelqu'un de vous donne en sadaqa la valeur de uhud, ça ne sera pas l'équivalent de la moitié d'un mud de ha'ula. Le mud, c'est les deux mains jointes. À la moitié, ça ne sera pas, si on donne l'équivalent d'une montagne en or, ça ne sera pas l'équivalent de la moitié d'un mud de ha'oula. Ça montre qu'anahum, ils ont une place à part, radiyallahu ta'ala anhum. Enfin, on les aime, fillah, et on déteste ceux qui les détestent, fillah. Falihada qal shaykhul islam, wa li kullihim qadrun ala wa fada'ilu. Chaque compagnon, il a un qadr indana. Il a de la valeur, il a une place à part. لماذا لأنه il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette fadila fil haqiqa ay rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est plus possible an لأنه il est mort alayhi salatu wa sallam ay fi dunya on pourra plus le rencontrer. Ça montre que هؤلاء ils ont été élevés avec cette rencontre. لكن ما الصديق منهم افضل. لكن on a cette croyance ان certains compagnons Allah il les a élevés plus que d'autres. On les aime tous, لكن certains on les aime encore plus. C'est comme avec les prophètes alayhim salam. On les aime tous et ils sont tous à la khayr et c'est tous des min awliya illahi azza wa jalla, mais notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est afdal. Wa hakadha al-kutub. On croit en tous les livres que Allah il a révélés, mais le Coran il est afdal. Et on avait cité ensemble le jugement sur celui qui insulte les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Et ça c'est grave. Amma celui qui les insulte tous, fa ma hukmu? Ou la plupart, إلا certains كما et يفعل الرافضة قاتلهم الله, c'est quoi son حكم؟ نعم أنه يكفر, c'est du كفر أكبر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يطعن في دين الإسلام. Il insulte ses compagnons, huwa, et il les a jamais rencontrés, il les connaît pas. Il y a aucun problème entre eux, mais le hayat ad-dunya, il y en a, c'est une autre génération, et les sahaba kulluhum udul, ils sont à la khayr. Enfin, il les critique et il les déteste que parce qu'ils ont propagé hadith din. Ala shakka fi kufri kama huwa hal ar-rafida. Et on avait fassal dans le dars plusieurs autres catégories fi hada. عقيدته والمسلمين concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أن un compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant mu'min, croyant, et il est mort à la ذلك. هذا c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé de l'aimer في الله et détester ceux qui les détestent, les critiques. كذلك on les suit رضي الله عنهم. C'est eux qui ont compris hadith din, c'est eux qui ont propagé hadith din, c'est eux qui ont vécu la révélation radiyallahu ta'ala anhum. Fala chacun a leur compréhension, elle passe avant la nôtre. Amma idakhtalafu, s'il y a une divergence entre compagnons, comme ça arrive dans certains sujets de fiqh, fa hadal hal, celui qui a la capacité, fa il revient au dalil. Lianna as-sahabi, il n'est pas ma'soum, il n'est pas infaillible. Lakin ijma'uhum, l'unanimité des compagnons, la chacun leur qawl sera haq, s'ils sont tous unanimes sur quelque chose. Amma s'ils ont divergé, comme fi ba'd masail al-hajj, ils ont divergé, ou ba'd masail al-mirath, l'héritage, fa fi hada al-hal talib al-ilm, il étudie la mas'ala et il choisit le qawl qui est fondé sur al-dalil. Et la shak anna as-sahaba tous y suivent al-dalil, lakin rubbama ce dalil lui est pas parvenu. أو اجتهاد يستخدم هذا. ثم شيخ الإسلام قال dans le vers suivant, وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. Il cite ce verset pour démontrer ce fondement. ما يتعلق بالقرآن الكريم. فسيك عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. نعم غير مخلوق. زيد أنه كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. C'est pas une créature là. فالله سبحانه وتعالى parmi ses attributs صفته الكلام. Et parmi ce كلام القرآن الكريم. فنؤمن أن هذا القرآن c'est كلام الله et il est pas مخلوق. C'est pas une créature là. C'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le kalam. Et parmi ce kalam, on a le Qur'an le Karim. Ma dalil ala hada? Tafaddal. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ahsant. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le Qur'an via de l'aya kalam Allah. Nous on a cette aqida. Contrairement à Ahlul Bid'a wa Dhalal, qu'al Mu'tazila, ils disent que le Coran est makhlouq. Hada, c'est grave. Et on a répondu à ceux qui disent que le Coran n'est pas. Ceux qui disent que le Coran est makhlouq, leur kalam est batil. Et on a répondu avec certaines réponses. Pourquoi c'est batil? Man yathkur? Hein? Tfaddal? Ala lahu al-khalq wal-amr. Allah, il a différencié entre mada? Al-amr wal-khalq. Son ordre et sa créature. Donc il y a une différence. Ça montre que هذا القرآن il n'est pas مخلوق. Ahsanta. On avait cité mas'alat ja'ala. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyan. Et on avait démontré que le fi'l ja'ala huna, c'est pas bima'na khalaqa. Inna ja'alnahu قرآنا عربيا لا لأن جعل إذا عدي إلى فعل واحد يكون بمعنى خلق أما هنا يا plus de إذا عدي نعم إلى فعل واحد هنا سأكثر إن جعلناه قرآنا عربيا فيها دو مفعول فسيبا بمعنى خلق كما تقدم ثم قال رحمه الله وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول. Après avoir cité ما يتعلق بالقرآن, et on a résumé dans cette مراجعة, il a cité مذهب السلف ورضي الله عنهم ورحمة الله عليهم في الصفات. Qui c'est qui peut nous résumer مذهب السلف concernant les صفات d'Allah عز وجل؟ تفضل. نثبت صفات الله عز وجل يعني من غير يعني التمثيل نعم ولا التكييف ولا التعطيل ولا التفويض نعم وهذا الإثبات من أين نأخذ هذه الصفة مثلا نثبت صفة اليدين من أين أخذنا هذا الدليل ها نعم فالصفات توقيفية on est obligé d'avoir une preuve من القرآن أو من السنة قوله أمرها حقا كما نقل الطراز الأول ما معنى أنه on doit pas faire quoi نعم on doit pas faire تمثيل on doit pas faire تحريف أمرها حقا كما نقل الطراز الأول الطراز الأول أي السلف فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه إلى visage on dit الله إلى visage sans faire de تمثيل ما الدليل qu'on ne doit pas faire de تمثيل ليس كمثله شيء أحسنت وهو السميع البصير فالله سبحانه وتعالى rien ne lui ressemble ليس كمثله شيء كذلك on ne connaît pas le كيفية فالله سبحانه وتعالى إلى visage لكن ما ندري le comment Pourquoi? لأنه سمن علم الغيب الله نوزا با انفورمي فنحن في هذا نتوقف وندي الله أعلم ما ندري لكن نسك إلى ان فيزاج عز وجل اي ان فغي فيزاج لا كما يقول أهل البدع والضلال فلهذا قال شيخ الإسلام وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل أي on fait attention de pas rentrer dans ces مسائل avec la raison on s'imagine des choses Il y en a beaucoup de gens, quand ils entendent qu'Allah a un visage, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait Hein Tamthil. Et ça, c'est batil. Pourquoi c'est batil Non, il y en a Allah qui est comme un visage. Pourquoi tu compares ce visage avec le visage d'une créature Les créatures elles-mêmes, elles sont différentes. Elles sont différentes en taille, elles sont différentes, les origines, elles sont différentes dans plein de choses, la couleur, la force. On n'est pas identique. Enfin, pourquoi vouloir comparer Al-Khaliq Azzawajal, un attribut du Créateur, avec un attribut d'un makhlouq qui est faible, qui a été créé, etc. Là, il y a Et on avait résumé Aqidat al-Salaf fi Jumla, Man yathkuruha, t'adkur Ahsant, ithbatun bila tamthil, wa tanzihun bila ta'ti. C'est ça, mu'taqad al-Salaf. ما معنى إثبات بلا تمثيل عند من؟ ça veut dire quoi إثبات بلا تمثيل نعم فنثبت الصفة on dit الله سبحانه وتعالى il a des mains بلا تمثيل لكن c'est pas des mains comme les mains des créatures اصلا si tu réfléchis bien الله il est avant la créature enfin, pourquoi dire que les mains d'Allah sont comme les créatures alors qu'Allah il existait avant de créer Al-Bashar. Pourquoi Parce Allah c'est l'awwal. Et certains, quand ils entendent les mains, ils font ressembler Allah à la créature, alors qu'Allah, il est avant. Tu ne peux pas le faire ressembler à Allah, il a toujours eu des mains, avant de créer Adam. Azza wa Jal. Donc on n'a pas le droit de faire ressembler là. Quand tu entends une sifat d'Allah Azza wa Jal, la première chose que tu dois faire, t'écarter du tamthil. Il y en a tous ceux qui se sont égarés fi hadha al-bab, مثلوا تس كسوا المفوض كسوا المعطل كسوا المحرف كسوا الممثل تس مثلوا ثم انحرفوا أما نحن لا quand on entend une صفة on a cette croyance ليس كمثله شيء إثبات بلا تمثيل كذلك تنزيه بلا تعطيل ça veut dire quoi تنزيه بلا تعطيل أو مثال vous citez حتى نفهم تنزيه بلا تعطيل تفضل يعني نثبت يعني لا نعطل يعني صفة الله وصفة الله هو يعني ليس ك يعني تنزيه بلا تعطيل. فنقول مثلا أن لمن الله عز وجل لا ressemble pas aux mains des créatures. Ça c'est تنزيه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de la créature, il est parfait, il ne ressemble pas à ses créatures. Fatanzihun, lakin, quand on dit qu'Allah il n'a pas de main, ça ne veut pas dire que, quand on dit qu'Allah plutôt, ses mains ne ressemblent pas à celles des créatures, ça ne veut pas dire que, non, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de main. Là, nous on dit maintenant, Allah il ne ressemble pas aux créatures. Allah, son visage ne ressemble pas à celui des créatures. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de visage? Là, il a un visage. Lakin, ce visage ne ressemble pas à celui des créatures. C'est ça, madhhab al-salaf, qu'il a cité Cheikh al-Islam dans ces deux vers qu'on vient de lire. ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. ماذا يريد بهذا البيت؟ Qu'est-ce qu'il veut démontrer, rahmatullah alayhi, avec ce bait? أحسنت أن notre دين il est fondé sur le kitab et sur sunnah. C'est pour ça qu'il يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. Il y a des personnes, ils ont délaissé le Coran et qu'est-ce qu'ils ont fait? نعم. Et ils ont pris قول الأخطل. Alors que l'أخطل c'est un chrétien أولا et c'est un être humain et il peut se tromper. Enfin, pourquoi prendre son قول et délaisser ما جاء في القرآن? فالله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى ils ont pris قول الأخطل استولى هذا انحراف. Ça, ça montre que celui qui délaisse les textes et suit les personnes sans revenir au texte, probablement il s'égare. عيادا بالله. أما نحن القرآن نسفي ولله الحمد. ثم قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. المؤمنون ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi notre aqida fi hada? Fi al-ru'ya. عند من? Hein, تفضل. نرى الله حقيقي يعني حق يعني حقيقيا. نعم. يعني كما نرى الشمس يعني القمر ليلة القدر. انها سين رؤيا حقيقية. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر. أي quand le ciel il y a pas de nuages et quand tu vois la lune surtout le 13 la nuit du 13 14 15 quand il y a la pleine lune, enfin la vision que tu vois, tu n'as aucun doute que c'est la lune. فهكذا المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى. Et on avait expliqué la comparaison, c'est la vision, pas ce qui est vu. لأن الله c'est le خالق, le قمر c'est une créature. Mais la comparaison c'est la vision. Comme tu vois la lune, celui qui meurt على الإيمان يرى الله عز وجل. ما الدليل على هذا؟ تفضل. أحسنت. إلى ربها ناظرة. أي من النظر أي يرون الله عز وجل. وهذه الرؤية في موضعين. Dans deux endroits. المؤمنون يرون الله عز وجل dans deux endroits. عندك. تفضل. يوم القيامة المؤمنون يرون الله عز وجل. Et le deuxième endroit? في الجنة. Deux endroits. يوم القيامة أي في أرض المحشر et bien sûr في الجنة. أما في الجنة c'est clair. Et يوم القيامة كذلك المؤمنون ils le verront. Et il y a une divergence, est-ce que le kuffar et les munafiqun ils le verront? Et تقدم معنا أنهم ils le verront على الصحيح لكن c'est pas une récompense, c'est من باب التعذيب, c'est un châtiment. لأنهم ils verront Allah عز وجل ثم حجاب entre eux et Allah عز وجل ثم ils se feront châtier éternellement. فهذا c'est من باب العذاب كما أبين ابن القيم رحمة الله عليه. أما أهل البدع ils ont démenti هذا, ils ont dit أن المؤمنين ils verront pas Allah عز وجل. هذا c'est باطل لأن القرآن السنة les versets les hadiths ils sont clairs. سترون ربكم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a pas dit vous, le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas dit vous verrez la récompense ou vous verrez, il a dit vous verrez Allah. فنحن on dit أن المؤمن المؤمنون ils verront Allah عز وجل. Ils se sont basés, Ahlul Bid'a, sur Qawlullah Azza wa Jal, La tudrikuhu l'absar. Ils ont pris ce verset et ils ont dit, أن الرؤيا لممنوعة أي personne verra Allah لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار. Qu'est-ce qu'on a répondu? فلم ينفي موسى الرؤية. Il y a une différence entre l'idrak et l'ru'ya. L'idrak, c'est cerner une chose de toutes parts. Personne aura cette chose, l'idrak. La tudrikuhu l'absar. Lian Allah, il est a'zam, il est akbar. Lakin, l'ru'ya, na'an. Il y a une différence entre l'idrak et l'ru'ya. Hada, taqaddam ma'ana. Thumma, il a cité dans le même vers, sifat al-nuzul. Wa ila samai bi ghayri kayfin yanzilu. ما الدليل على صفة النزول؟ تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل من السماء الدنيا حين حين حين حين يبقى ليل ثلث الليل آخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. أحسنت. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين ينزل ربنا إذن الرواية ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. Donc on a cette aqida en Allah subhanahu wa ta'ala il descend à chaque fin de nuit, le dernier tiers. Azza wa jal. Ahlul bid'a, ils ont dit ils ont fait du tahrif. Ils ont dit yanzilullah ay celui qui va descendre c'est un ange ou c'est rahma ou c'est l'amr. Qu'est-ce que ils ont répondu ahlul ilm? Ils ont donné des réponses qawiyya. Anna hada c'est batil. Eux ils ont dit c'est pas Allah qui descend, c'est un ange. Ou c'est rahma, ou c'est un ordre. Enfin, qu'est-ce qu'on a répondu? Est-ce qu'il a dit le malak? C'est la haqiqat, tala'ub bin nusus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah il descend, hum ils disent c'est un ange. Al-Rudud il est simple, il est simple. C'est Allah qui descend, c'est pas le malak. Kadhalik. Zed. Si on dit que c'est dans le hadith, il est cité qu'Allah Azzawajal dit en gros qui m'invoque. نعم من يدعوني فأستجيب له. Si on dit que c'est le malak, أحسن. Ça veut dire que le malak il appelle à ce qu'on l'invoque lui. Et ça c'est du shirk et du kufr. Et les malaïka ils feront jamais ça. Donc ça montre que celui qui descend c'est Allah. C'est pour ça qu'il dit عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَدْعُونِ qui c'est qui m'invoque. Ça montre que c'est Allah subhanahu wa taala qui descend. هذا ما يتعلق بالنزول. ثم إلى السيتي ما يتعلق بالميزان والحوض وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. سكوا عقيدة السلف في الميزان عندك؟ يوجد واحد بذب. نعم يعتقدون أنه يا ميزان. أين؟ أين الميزان إليه؟ سأتصبح يوم القيامة. يوم القيامة الميزان أي أبخل قبر etc. أبخل حشر أبخل بعث. فيؤمنون أنه ميزان حقيقي. ما الدليل على الميزان؟ كيسك يكون دليل من القرآن في الميزان؟ فمن ثقلت موازينه. فمن ثقلت موازينه ومن السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أطهر شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان. نعم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. Tout ça c'est des adillas qui montrent qu'il y a un ميزان. Et à الصحيح on avait dit أنه ميزان واحد. كذلك on avait cité أن ce qui est pesé c'est quoi? تفضل. كتاب عمل. نعم. صحيفة الشخص. أي le livre dans lequel sont inscrits ses œuvres. Ou c'est quoi qui est pesé كذلك? Imma le livre, imma mada? Par rapport au hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ce qui sera pesé, ça sera la personne elle-même. Naam, hadith ibn Mas'ud. Kadhalik, une autre chose? Al-amal. Hadith al-bitaqa. Ces mauvaises œuvres, elles seront d'un côté de la balance et sa parole, la ilaha illallah, d'un autre côté. Naam. هذا كذلك الصحيفة لا سيدي. الحوض ما هي عقيدة السلف في الحوض؟ الحوض خاص للمؤمنين. نعم أولا نثبت ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى il a créé ce haut pour le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم يوم القيامة et pour sa communauté. من يذكر دليلا على الحوض من السنة نتفضل. نعم أنا فرتكم على الحوض حوضي قال عيسى السلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. Plusieurs hadiths, le Nabi صلى الله عليه وسلم nous décrit son hawd. La source de ce hawd, c'est ماذا? نعم, plus précisément, Al-Kawthar. Donc sa source est min al-Jannah, Al-Kawthar. Et Al-Hawd, il est يوم القيامة. أحسنتم. Al-Sirat, قال وكذا Al-Sirat يمد فوق جهنم. C'est quoi notre croyance par rapport au Sirat? نؤمن. لكن نؤمن بماذا اولا اون كوا كيا كوا بعد الحساب يعني الله يعني بما يضرب الجسر على جهنم اي يورا بون سور جهنم او دسو دو جهنم سو بون كو لي مؤمنين يترافيرسون بور الي في الجنه فاون ا سيت كرويونس اي النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو سعيد رضي الله تعالى عنه il nous a cité les caractéristiques de ce sirat فماذا قال il a comparé à quoi نعم أدق من الشعر وأحد أحد من ماذا أحد من السيف أحسنت أحد من السيف أدق من الشعرة فالعلماء اختلفوا est-ce qu'elle est صحيحة أم لا أما أحد من السيف c'est صحيح على كل حال أنه ce sirat il est très fin. فنؤمن بذلك et Allah il est على كل شيء قدير. C'est pour ça qu'on a la croyance que les mu'minoun ils le traverseront par rapport à ماذا نعم أعمالهم في الدنيا. Certains traverseront comme la vitesse d'un éclair, la vitesse d'un clin d'œil, la vitesse d'un oiseau, la vitesse d'un cheval. Tout ça c'est par rapport aux أعمال. والنار يصلها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. كذلك on a cette عقيدة أن الله il a créé ماذا عندك النار والجنة. النار والجنة. Est-ce que الجنة والنار actuellement elles sont déjà créées؟ ما الدليل؟ أعدت. أحسن. أعدت للمتقين كذلك. أي الله سبحانه وتعالى il a préparé cette demeure النار pour le كفار الجنة pour le متقين. أعدت. أي elle a déjà été préparée. ومن السنة que الجنة والنار ils existent actuellement. نعم أحسن كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بالجنة والنار في الإسراء في المعراج أي كذلك في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بالجنة والنار كذلك c'est des demeures éternelles et on avait cité هذا إلى cité كذلك القدر والنار يصلاها الشقي بحكمة أي الله il a قدر هذا أن فلان يلغى en enfer et فلان يلغى في الجنة. Tout ça par rapport aux œuvres, Allah il a une hikma et Allah il est injuste envers personne. هذا القدر ça fait partie des fondements des gens de la sunna et ce qadar il est fondé sur 4 degrés, on les a cités. Le premier العلم. Le deuxième نعم الخلق. Un autre, le deuxième الكتاب. Le dernier المشيئة. Quatre points importants, on les a détaillés avec Al-Adillah. Thumma, il a cité ma yata'alak bil qabr. Kadhalik, ça fait partie des fondements des gens de la sunna. Wa li kulli hayyin aqilin fi qabrihi. Amalun yuqarinuhu hunaku wa yus'alu. On a cette croyance. Mada, c'est qui continue? Le نعم ملكان يسألان هذا الميت. Ils vont lui poser quoi comme question? La première, la deuxième, la troisième. ما دينك أحسنت من ربك ومن نبيك وما دينك. On a cette croyance et on est à la yaqin via هذا et plusieurs adillah qui prouvent hada. Et kadhalik, on a la croyance en al-mu'min, il se fera récompenser, et le kafir, il se fera châtier. Et certains mu'minin, kadhalik, ils peuvent se faire châtier à cause de leurs péchés. Thumma qal, هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. Il veut démontrer, rahmatullah alayhi, ou il a démontré dans ces derniers vers, أن cette عقيدة qu'il a cité, c'est عقيدة السلف. Il a cité les quatre imams, لأنهم sont connus dans la Ummah. وإلا فجميع السلف sont على هذه العقيدة. فإن اتبعت سبيلهم فموفق. ما معنى هذا الشطر من البيت؟ نعم أحسنت فموفق يغيسر عيسى غيدي وإن ابتدعت فما عليك معول celui qui délaisse cette voie il s'égarera yadam billah. ثم il a cité الشارح trois autres fondements que Cheikh l'Islam il n'a pas cité dans la poésie الإيمان والشفاعة والصبر على ولاة الأمور. Et inshallah ces points ils seront détaillés dans d'autres livres bi'idnillahi azza wa jalla. Fa ahsantum, continuez hakada. Alhamdulillah, vous avez appris al mandouma, révisez-la et écoutez l'audio, un audio dans lequel un frère irait se tayyib, hatta vous améliorer la prononciation et vous corriger ce qui doit être corrigé, et révisez kadhalik de temps en temps, lisez mithla hadhihi al-kutub, c'est des kutub tayyiba nafi'a. كتب العقيدة خاصة les livres résumés au départ comme cette lamia, comme l'umat l'i'tiqad, etc. Et نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.